Qui doit céder le passage aux piétons? Le cyclomotoriste? Oui, réponse A. Non, réponse B. Le conducteur de la voiture rouge? Oui, réponse C. Non, réponse D.